Allô, allô, allô, bonjour et bienvenue à Deux Fifs le matin, votre podcast coquin et la seule et unique radio poubelle homosexuelle de Gaulle. Puis nous, on n'a pas perdu nos commentaires, on n'en a pas. C'est aussi simple que ça. parlant de poubelle homosexuelle, Just PVM, toujours bipolaire, on n'a pas trouvé la cure, toujours sob, pour un temps limité, j'allais dire. La petite pandémie va avoir raison. Moi, toujours concierge, et la partie que j'aime le plus de mon corps, c'est sa finitude dans le temps. Oh! She's deep! OK, toujours dans l'ordre rose, moi, c'est Charlie, puis on tombe en zone rouge demain. Je m'attends à ce que ce soit comme la zone rouge au sommet des Amériques. On va se faire péter à la gueule. Ouais, ouais, ouais. Là, on a plein d'énergie au micro parce qu'on rentre dans la zone rouge. Vous, vous nous écoutez en ce moment, puis ça fait 3 semaines que vous êtes dedans. Ah oui. Et nous aussi. Ah oui. Fait que Dieu seul sait. Oui, c'est ça. Fait que là, on nous autres, on s'écoute, nous, du passé. Ouais. Dans le temps où on avait... Dans le temps où on était heureux. Oui. Message à moi du futur. Ça va bien aller. Comment ça va? Je pense qu'on a défini que ça allait super bien. Ben, l'affaire, c'est que ça va mal, mais ça va sûrement mieux. Que à l'avenir, là, maintenant, quand on s'écoute. Fait que c'est ça. Fait que pour tout de suite, on va se contenter de ça. Et hein, puis enfin, on est tout seul, esti. Hey, pas de visite. Sacrement que c'est l'ouvrage à recevoir. Moi, je le dis tout le temps, la visite, c'est le fun deux fois quand ça arrive, quand ça s'en va. Fait que c'est ça. Là, je suis... On a rangé plein de chips. Voilà. J'ai pas eu besoin de mettre de rallonge sur ma table de cuisine. Le papier de toilette est pas installé sur le petit tien de rouleau qui mange de la merde. On est plus du monde, là. C'est fini, on va vivre dans la solitude. Aucun rapport avec la pandémie, bien sûr. Non. Fait que aujourd'hui, pour continuer de mettre du sel sur nos plaies vives, on jase du règne de la beauté dans toute sa splendeur. On se demande si être cute dans la vie, c'est un véritable privilège au sens politique du terme. Et qu'est-ce que les rapports de pouvoir ont à faire dans notre perception de ce qui est beau ou pas? On en profite pour faire des petites comparaisons de standards de beauté entre le monde straight, le monde gay, mainstream et le monde queer. Et bien sûr, on va finir en se flattant dans le sens du poil pour se rappeler que tout le monde est beau pis belle pis qu'on est valide dans le fond. Ah, oh, c'est beau ça. Fait qu'on on s'en va se chercher un café aussi beau que Roy Dupuis aux yeux d'une Madame Keb dans cinquantaine et on vous revient overcaféiné. Ça fait qu'on s'est senti choyé comme Émilie Bordelot à chaque gorgée et on est de retour overcaféiné pour parler beauty tricks pour comment ne pas filer comme d'avant. Fait que l'image qu'on projette est plus importante que jamais depuis l'arrivée des médias sociaux et du marketing de soi, mais que ce soit en ligne ou en personne, être considéré attirant ou attirante, c'est un avantage non négligeable dans la vie d'une personne. Oui. Est-ce qu'on irait jusqu'à dire que c'est une forme de privilège en soi? Ben, c'est compliqué, hein, parce qu'on dit souvent, en tout cas, on réfléchit souvent à la beauté comme une accumulation de privilèges. Ouais, c'est ça. C'est A, t'es blanc ou blanche. B, t'es pas gros, t'es pas grosse. Idéalement, C, t'es musclé. Puis ça, c'est toutes des choses qui viennent avec beaucoup de... Ben, c'est des choses qui représentent des privilèges en soi, là, ne pas être gros, ne pas être grosse, ainsi qu'être blanc ou blanche. Mais ce qui est, c'est que ça se limite pas juste à ça non plus, tu sais, en termes de, genre, méthodologie de l'évaluation de la beauté. Tu sais, comme, il y a un truc où... Au final, c'est vrai que la beauté dans les yeux de celui ou celle qui regarde. Non, mais c'est niaiseux, mais tu sais, il y a un truc où, genre, ben, c'est vrai que, mettons, la blancheur te donne plus d'accès au privilège de beauté parce que tu peux être bland puis pas si stand out que ça puis quand même être considéré comme quelqu'un d'attirant versus, genre, des personnes de couleur qui sont flaming hot mais qui vont pas se faire remarquer juste parce que racism. Oui. Mais. Ça se limite pas à ça non plus. C'est pas, tu le seras pas pour tout le monde, puis ces personnes-là seront pas déconsidérées par tout le monde non plus. Tu sais, comme. Ouais. Et la beauté, c'est situationnel. Oui. Fait que c'est weird à évaluer, mais c'est vrai que on peut faire des généralités qui se relient vraiment beaucoup aux formes d'oppression, en fait. Puis, tu sais, les éléphants dans la pièce, c'est genre racisme, grossophobie, misogynie. Classisme. Au niveau de la beauté, le classisme, ça fait fort. Alors, c'est vrai que c'est au cumul de privilèges, on a plus d'accès à la beauté, tu sais. Oui. Puis, tu sais, c'est comme une espèce de cercle vicieux parce que, tu sais, mettons que t'es riche. Mais t'as plus de chances d'être considéré comme beau ou belle parce que tu peux, comme on l'a dit, tu peux aller au gym, tu peux te faire coiffer de façon très, très, très expensive, tu peux le monde l'a mené là, au Super Bowl, le J-Lo. J'aimerais donc ça avoir l'air de J-Lo à son âge. Comme, sais-tu combien il y a d'argent sur comment qu'elle apparaît en public? Là? Il y a une team sur cette personne-là. Il y a un beau bagage génétique aussi. Là, je oui, dirais, ça là, je dirais, non, mais tu sais, je veux dire, c'est vrai qu'au final, elle a tout l'argent du monde. Puis pendant, genre, pendant la première vague de la pandémie, oui. J-Lo, là, elle a loué tout un gym pour elle seule à oui. LA. Là, oui. Pendant qu'elle était fermée, elle était comme, oui. Fuck that shit, bitch. Tu sais, comme, elle a les moyens de rester chaude de même ouais. aussi, là, ouais. tu sais. Ça, ben c'est ça. Quand t'es riche, tu peux te maintenir. Mais en même temps, si t'es vraiment hot, genre, right off the bat, dès le départ, t'as plus de chances d'être riche. C'est plus facile de trouver une job, c'est plus facile d'avoir des promotions. On va te considérer beaucoup plus, on va te remarquer beaucoup plus oui, si t'es ça, cute. Ça donne des accès, en fait. Ah, puis énorme à part de ça, là. Je pense que l'exemple le plus facile, c'est l'autre jour, moi, il y a un monsieur, ou en tout cas, une personne amable qui a dit à un itinérant, t'as rien qu'à aller travailler. Puis moi, j'étais juste à côté du monsieur, puis j'ai regardé le monsieur, j'ai dit, tu l'engagerais-tu? c'est ça, il y a eu un petit malaise. Genre, j'étais comme, ben, tu vois comment le look hein, dans la vie, tu sais, je suis comme, à un moment donné, la pauvreté ou l'absence de privilèges, ça a des impacts sur ton corps, puis ça peut se voir à la longue. Ouais. Ça pis, aussi. Puis tu sais, c'est ça avec les privilèges, puis la beauté qui peut souvent représenter un cumul de privilèges, c'est qu'on truste plus les personnes qui sont belles pour ah oui. absolument aucune raison fondée. Oh, oui, c'est oui. vraiment juste qu'on a appris. Mais il y a aussi comme un coding super obvious dans les représentations culturelles où la méchante sorcière avec une verrue sur le nez qui est pas belle, oui. tu sais, puis genre la belle princesse qui est la protagoniste, tu sais, comme, oui. y a, puis c'est niaiseux, mais genre dans des représentations aussi simplistes que ça, tu sais, on vend très jeune aux enfants l'idée que genre les gens beaux sont bons, les gens oui. laids sont mauvais, ah ben oui. tu sais, c'est ben genre... oui, oui. C'est weird as fuck, là. Je veux dire, tout le monde trippe parce qu'on a eu une princesse de Disney de couleur. Amenez-moi une grosse princesse de Disney, là. C'est ça qu'on attend, là, impatiemment. Puis c'est vrai, là, on rit de Disney, mais c'est vrai dans n'importe quel type de film, là. Les héros et héroïnes c'est sont ça. Toujours les plus cute de la gang, là. Non, c'est ça, tu sais. Puis t'as aussi du queer coding, évident. Tu sais, j'ai pas le Miss Trunchbull dans Matilda, là. Oui. Mais non, mais c'est queer coding as fuck, là. C'est genre la méchante butch, pas ouais, belle, ouais, non, c'est clair. Moi, ce que je trouve un peu particulier au privilège de la beauté, c'est que on tourne toujours autour sans jamais le nommer nécessairement. Tu sais, oui, on va parler de grossophobie, on va parler d'antiracisme, mais c'est rare qu'on attaque la beauté elle-même ou le standard de beauté elle-même pour ce que c'est. On va toujours passer par une des nombreuses catégories que nous avons pour lutter dans le monde. Puis c'est comme dur à call out, tu sais, c'est dur de dire à quelqu'un « on sait bien, toi, t'es beau ». Ouais, mais je pense que. Mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est vrai que la beauté garde ce caractère-là un peu insaisissable oui. ou bien au final, c'est vrai qu'on a toute une subjectivité là-dessus. Oui. C'est vrai qu'il y a des choses qui accrochent plus avec certaines personnes que d'autres. Puis ah ben que oui. là, on est dans le nitty-gritty puis dans les nuances parce que en général, c'est toujours les mêmes personnes qui sont considérées belles, c'est toujours les mêmes personnes ah ben qui oui. sont pas oh, considérées belles oh, aussi. Oh, oh, oh, oui. C'est juste que c'est vrai que c'est extrêmement compliqué d'individualiser le problème. Oui. Vraiment aussi, beaucoup, oui. La perception de soi, c'est un sujet vraiment touchy dans une société capitaliste qui cherche à nous faire filer mal pour nous vendre des affaires. Oui! Fait que c'est super compliqué à adresser parce que, je veux dire, c'est pas correct socialement de honte ton privilège de beauté. De un, puis c'est un peu particulier, tu sais, moi je te trouve smoking hot, mais mettons que tu rentres, là, t'es musclé, là, t'es Bel Ami model, là. Bel Ami, c'est une compagnie de porn qui ont engagé 500 acteurs toutes pareilles. Oh oui, Google. Je sais pas comment ils ont réussi ce coup-là, mais bon, bravo. Puis, mettons que t'es cette personne-là, c'est un peu chiant de dire « Oui, mais toi, t'es beau », parce que d'un côté, t'as pas envie de dire à personne que t'as trouvé belle. Non. Puis de deux, t'as pas envie de sous-entendre que tu te trouves pas beau. Mais, tu sais, puis c'est poche à dire. Mais c'est là qu'il y a un langage de comme « Ouais, mais tu sais, toi, tu fais des critères normatifs qui font que les oui. gens te font confiance », mais c'est vrai que c'est vraiment plus long comme phrase, puis comme tournure, puis que aussi... C'est weird parce qu'il faut vraiment y avoir réfléchi puis avoir pensé à genre quel langage tu vas utiliser pour oui. ça. Puis il n'y a pas de manière simple de juste faire comme ça. Il y a le style, toi, le monde te donne tout parce que t'es plus oui, oui, c'est ça. Considéré plus beau, tu sais. Puis pour la personne qui bénéficie de ces privilèges-là, puis je en tout cas, on va regarder comment on va interpréter ce que je viens de dire, ce que je vais dire, mais comme c'est difficile d'arrêter d'être beau, là. Ben c'est-à-dire que c'est un privilège qu'on veut tout. Plus. C'est-à-dire ouais. que, tu sais, comme moi, narcissiquement, moi, je J'aimerais ça fitter cette catégorie-là. Là. If I could be hotter, je serais comme, ben, ouais, oui. Là. Mettons, j'aurais plus d'argent probablement que je. Il y a bien des affaires que je ferais. Là, moi, c'est exactement ce que j'allais dire. Sans aller dans de la chirurgie plastique. Ah, là, ben, moi, tu vois, juste dans l'hygiène. Allais. Ah non, moi, juste dans l'hygiène de vie, money fix problems. Là. Ah non, c'est ça. Mais genre, moi, j'aurais, mettons, demain, j'ai une tonne de cash. Là, je reçois enfin le chèque que j'ai pour être une gay icon. Là. Yes. Yes. Une des premières affaires que je ferais, c'est la chirurgie plastique. C'est dans mal. Boucle. C'est dans... Boucle, c'est dans mal. Ça s'en vient. Je reste à côté de la porte pour les trois prochaines semaines tant que le chèque n'a pas rentré. Mais non, mais c'est ça. Mais ça veut dire, c'est compliqué aussi d'avoir un regard lucide sur soi. C'est-à-dire que c'est vrai que... Tu sais, étant donné que c'est tout des construits sociaux puis que, tu sais, oui, il apporte des privilèges concrets, mais ça reste des constructions sociales puis des trucs qui sont... qu'on décide collectivement de genre worship ou d'aduler, tu sais. Ouais. De dire que tu fites pas ça sans que ce soit un truc de dépréciation. Parce que, tu sais, il y a tout le temps ce truc-là avec la beauté de comme, ben oui, mais tout le monde va être beau parce qu'être beau, c'est nice puis c'est le fun. Fait que si tu dis que t'es pas considéré beau socialement, les gens vont faire comme, mais non, t'es beau, tout le monde est beau, tout le monde est malade. Puis t'es juste comme, ben non, il y a des gens qui sont vraiment pas célébrés à beaucoup d'endroits. Oui, oui, oui. Que ce soit représentation dans le mainstream. Que ce soit les jobs que tu vas avoir, que ce soit la vie sociale. Juste un bar où aller. Là. Moi, je sais que je vais à l'Aigle Noir, je suis hot. Là. Genre, ça va, tu sais. Tandis que, genre, si je vais au Unity ou à l'Oasis, ben, tu sais, probablement que non, mais genre, ça va. Il y a des espaces qui sont pour moi où je me sens hot. Oui. Sans nécessairement, il y en a tout le temps des plus chauds que moi. Je suis pas, genre, top shelf, je suis peut-être, genre, second, third shelf, mais genre, ça me va, tu sais. C'est correct. Oui. Mais reste que... La plupart des gens ont des espaces, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont vraiment beaucoup plus d'espace où être considérés beaux, tu sais. Oui. Puis c'est ça, une manière de d'acknowledge ça sans tomber dans l'espèce de simpliste, genre « Ah, oh, mais non, mais toi aussi, t'es beau. Ah, oui, mais beau, mais t'es dans une scène qui regarde, mais dans le fond, il y a quelqu'un pour toi, quelque part. » Oui. Tu sais, comme parler de beauté en l'extériorisant aussi de comme l'espèce de truc, comment que la beauté, ça nous fait fall in love, puis que ça nous... Oh my God, oui. Tu sais, parce qu'il y a ça aussi avec l'attirance, tu sais, comme de rationaliser l'attirance, puis pas être dans un truc de comme, non, mais c'est pas genre, I don't wanna fuck you, t'as juste plus de privilèges que moi. Oui, genre. C'est ça. Puis ça revient un peu à ce que je disais tantôt, qu'on adresse souvent pas le problème as it is. On passe plus de temps à dire aux gens qui se sentent pas beaux, ben non, puis on va en reparler tantôt quand on va parler de spécificité queer puis dans nos milieux, mais c'est comme tu as dit, là, on passe vraiment beaucoup de temps, mais non, toi aussi t'es beau, puis là, c'est dans les yeux, puis là des fois je suis comme, peux-tu acknowledge que j'ai pas ce privilège, genre je suis en train de te le dire là, fait que tu peux vibe avec moi puis dire ok, on n'a pas ce privilège là, c'est correct. Non, puis tu sais, autant l'inverse, oh my god, je vais sortir, je m'excuse, je vais parler d'occupation double, je vais le faire à deux le matin, je le fais, j'embarque. Fait que la face de Jess, mais c'est vrai. Mais comme à occupation double, puis j'écoutais, c'est Thomas Leblanc qui l'a dit dans son podcast Réalité conséquence, où il disait que ben c'est que je me fais un plaisir de pas écouter chaque semaine. Oui, que Jess se fait un plaisir de skip. Mais... J'aime Thomas, mais j'aime pas Occupation Double. Mais c'est ça. Mais ce qu'il disait, c'est que à Occupation Double, le poids de la diversité est toujours sur les femmes, en fait. Que ah ben a... oui, c'est ça. Mais, puis Julie, la totoune de la saison, celle qui est grosse, oh my god, à OD, hein? Elle est arrivée puis elle s'y attendait là, à ce qu'aucun gars trippe sur elle. Ouais. Puis genre là, tu sais, arroche un peu. Puis il y a aussi ok. Carl avec un C, qui est un des contestants de OD, qui est, je pense, la seule personne à qui j'ai réellement songé envoyer du hate sur les internets dans la vie. Ouais. Moi, je suis contre ça, mais lui, pour vrai, c'est mon bully. Il m'est rentré dans les cases au secondaire. Okay, okay, je m'en calais, c'est le mérite. T'as été triggered. Pour vrai, les queers, on mérite de s'unir contre Carl avec un C. Fait que, puis... Il a dit, en tout cas, il a dit qu'aucun gars tripait sur Julie à une fille qui l'a snitch. Martine, on la salue. Puis je suis encore Make it short. Mais Julie l'a confronté, puis qu'est-ce que Carl lui a répondu? Il a dit, oui, mais pour moi, c'est important, l'attirance physique, puis je suis pas attiré par toi. J'étais comme, bitch, tu trouves ça... Je trouve qu'il y a un truc où soit on... T'as défini l'attirance physique comme étant quelque chose d'exclusif à ta personne. Ouais, mais... Toi étant Carl avec un C, là. Oui, mais il y a juste un truc de comme, ben, je comprends que, genre, soit on va l'invalider dans le « Ah, oh, mais l'apparence, c'est pas important », mais quand on va dire que l'apparence est importante, on va pas acknowledge que, ben, il y a des trucs fucked up qui soutiennent ça aussi, tu sais. Lui dit le physique, c'est important, mais tu sais, lire entre les lignes, je veux une fille mince. Ah ben oui, là, c'est ça que ça veut dire, puis comme... Non, mais après ça, le edit de cette semaine-là, c'était genre, oui, mais Carl avec un C, c'est tellement un bon gars, puis il est honnête parce qu'il a dit les vraies choses. J'étais comme, fuck that shit! Tu sais ce qui commence avec un C aussi? Calissez-moi ça dehors! Puis, tu sais, souvent, quand quelqu'un se trouve pas beau, se trouve pas belle, tu l'as mentionné, une des phrases d'encouragement, c'est, oui, mais tu sais, la beauté, tout ça, c'est superficiel. Tu sais, c'est comme une manière de dire, sous-entendu, tu l'as pas, fait que trouve un moyen de dealer sans ça. Ouais. C'est correct pour les belles personnes de se chercher entre elles et d'être juste entre elles. Mais sont-tu vraiment heureuses? C'est ça. Whatever. La beauté est à l'intérieur, bitch. I'll have to prolapse now. Oui, c'est ça. C'est ça. Faut absolument que je me sais beaucoup aussi et que je vous montre mes entrailles pour vous montrer que je suis cute, moi aussi. J'ai un bel intestin grêle, tout le monde. Sacrement. Sur ce. Oui, sur ce. Avant qu'on parle plus d'occupation double, on va aller chercher un café chaud, mais chaud, là, comme Megan Fox aux yeux des dudes straight incels du début des années 2010. Et on vous revient overcaféiné. Tes yeux ont croisé les miens. Tes chaches n'y pouvaient rien. Tu sais que c'est Mitsu hein, qui a fait l'original? Ah mon Dieu. Ouais. On passe d'un sujet qui m'intéresse pas à un sujet qui me colle. Fait qu'on a bu notre café avec un Fedora puis ben de l'entitlement et on est de retour au overcaféiné. Ouais. Comme queer dans la culture mainstream, oh surprise, on est rarement représenté comme étant attirant ou attirante. Toute forme hein, de masculinité comme moins conforme est généralement sujette à être ridiculisée, tout comme une image qui rompt avec la féminité traditionnelle va être considérée comme étant disgracieuse et dégueulasse. Dans notre jeunesse... Ouais. Quand on a commencé à démontrer des signes de queerness, ouais. Je me demande comment tu te sentais, toi, ça. C'est-tu venu rapidement qu'on t'a dit, je sais pas, moi, les affaires comme décroise-toi les jambes, t'as l'air fif? Oui, c'est sûr qu'il y avait, de la subtle répression comme ça à la maison. Mais je pense que pour le cas de mes parents, c'est différent parce que je pense que comme mère lesbienne d'élever un homme, elle voulait s'assurer que je sois vraiment masculin pour. Pas se prendre le regard des autres, puis le jugement des hétérosexuels qui, ben, turns out... la pression sur les couples homoparentaux. Turns out, I'm gay anyways. Ouais. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Sorry, les moms. Mais il a vraiment fallu que moi, j'attende l'université avant de give no fucks, puis genre porter des shorts, des collants, du vernis, ce qui me tentait, quand ça me tentait. Mais je pense qu'il y a un truc aussi où, comme, j'allais à l'UQAM aussi, puis qu'il y avait un certain cred qui venait avec ça. Puis le fait que ben, si t'avais des straight mal à l'aise, c'était aussi le fun de comme mettre ça dans leur face. Puis je sais pas si j'avais été dans un autre milieu si j'avais fait ça. C'est plus facile d'être provocant ou provocante à l'UQAM que c'est ça, mais avant dans ton bureau du gouvernement. Là. Mais avant ça, je m'habillais assez conforme parce que j'avais reçu trop de backhanded compliments sur ma masculinité, en fait. Oui, parce que souvent, comme queer, quand on se fait dire « ça paraît pas que t'es gay », c'est comme un compliment oui, ou ça paraît les gens pas que t'es pensent butch, que c'est un compliment. Les gens pensent que ça nous fait du bien d'entendre ça. Puis c'est une manière, puis c'est jamais pensé comme ça, mais c'est une manière de te normaliser, tu sais, puis te dire comme oui, c'est bon, toi, l'image que tu projettes ne me dérange pas, tu sais. Ouais. Puis c'est ça. Fait que je menaçais pas les gens dans leur conception de l'homosexualité. Je t'avoue, moi aussi, ça a pris. Même au cégep, là, j'étais encore. Ben, encore aujourd'hui, je veux dire, dans mon day-to-day, là, j'étais assez casual, mais comme. Je suis plus fabuleux quand ça me tente ou fabuleuse quand ça me tente. Hey, tu y vas full force quand tu y vas. Oui, ben c'est ça. Quand j'y vais, je niaise pas avec la poc. Mais moi, c'est pas tant ma queerness qui m'a vendu. J'en ai déjà parlé. Moi, j'ai comme été sauvé de l'homophobie au secondaire parce que les gens étaient trop focussés sur le fait que j'étais gros. Listen. Fait que ça a été comme un enfer, mais pas relié à mon identité de genre ou à mon orientation sexuelle. Hey, quand ça va bien, ça va bien. Youpidou. Évidemment, après ça, c'est sûr que dans ton intérieur, tu dis « Asti, s'il fallait qu'ils sachent que je suis fif. » En plus. Ouais, non. Fait que ça, tu sais, il y a comme. Ouais. Oui, j'ai vécu l'homophobie, mais de façon entre très gros guillemets indirect. Mais comme, puis je l'ai suivi en tabarnak, là. Moi, j'ai ça s'est fait, je sais pas, moi, vers 10, 11, 12 ans, là. C'est vraiment là que j'ai pris du volume. Bah oui. Ça a duré, d'ailleurs, jusqu'à la fin de mon secondaire. Et là, à la fin de mon secondaire, en l'espace d'un an, j'ai perdu quelque chose comme 150 livres. Si ma mère pensait que j'étais malade, j'allais mourir ou je sais pas quoi. Ouais. Ou que je prenais de la drogue, ce qui, les deux étaient faux, étonnamment. Je ne prenais ni drogue et. Ben, as a proof, je suis encore là aujourd'hui, donc je ne mourrai pas. Mais comme, ça m'a marqué, genre, qu'est-ce que ton corps représente dans la... Puis genre, grossophobie là, dans ma famille, ouais. chez nous à maison, ouais. à l'école. Ah ouais. Genre, ça n'arrêtait pas une hostie de seconde. J'ai quand même intégré très rapidement. C'est sûr. Tant mieux ou tant pis pour moi. J'ai compris vite que j'allais pas fitter, no matter what. Mais aussi, moi, je me demande si, tu sais, parce que tu dis que ça t'a sauvé de l'homophobie, mais en même temps, moi, je me demande si le regard des gens n'était pas plus sévère parce qu'ils sentaient genre de la queerness ou moins de masculinité de ta part. Parce que je trouve que, tu sais, comme pas pour dire ouais. que les hommes straight vivent pas de grossophobie, mais je trouve qu'ils en vivent de vraiment plus light que les hommes gays. Oui, puis généralement... On a tendance à être vraiment plus dur avec les personnes queer. Bien souvent, surtout au secondaire, c'est souvent les femmes qui vont être extrêmement victimes de grossophobie. Ouais, ouais, plus ouais, que ouais. les gars. Parce que de toute façon, même dans la société en général, un gars avec une bédaine, ça passe. Une madame avec une bédaine, ça, mon Dieu, c'est la fin du monde. Oui, et... puis à l'adolescence, tu te sens pas nécessairement cute. Mais tu sais, genre, à un moment donné, tout le monde te pardonne parce que genre t'es straight, t'es masculin, c'est correct. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, probablement qu'ils sentaient, parce que effectivement, je n'étais vraiment pas un symbole de masculinité whatsoever. Fait que... Yeah, peut-être qu'il sentait que c'est... n'étant pas très masculin, il pouvait en rajouter encore plus ah et ouais. hit on that. Ah ouais. And God knows they did. il était là quand il a fallu fesser plus fort, là. Puis arriver dans les milieux gays. Ben là, c'est ça. Surtout genre cis gay, parce que je veux dire, c'est là qu'on a fait notre entrée fracassante de queer icon to become. Ouais. On est confronté à des codes et des standards différents. Comment ton entrée en contact avec le monde gay a changé ta perception de toi-même? Je pense que ça l'a empiré yes, en termes de perception de moi-même parce que God knows que... The gays will always disappoint you. Ouais. Les cis gays, là, quand tu commences dans cette communauté-là, puis tu sais, c'est tellement trash parce que t'es tellement contente d'avoir fait ton coming out, ouais. d'être enfin libérée de ces chaînes. Puis tu sais, en plus, moi, yes. je l'ai dit, à la fin de mon secondaire, je suis passé de gros à maigre. Et n'ayant toujours pas, à cette époque-là, compris c'était quoi la grossophobie, j'étais vraiment contente d'être maigre. Là. Moi, j'étais comme, ouais, c'est vraiment merveilleux, malgré que une perte de poids rapide laisse des traces sur un corps. Donc, je n'avais toujours pas un corps, entre guillemets, normal. But still, j'étais comme... Maintenant, yeah. I pass ouais. as a skinny legend. Ça ouais. va bien, ça va très bien. Et là, ben, c'est ça, la déception de savoir que ma face était pas assez cute, mon chest était pas assez plat, mes muscles étaient et sont toujours absents. Ouais. Je ne suis que fait d'eau et de peau. Fait que moi, ça... D'eau et de peau, ouais. juste comme... J'étais un blob. La poche de peau qui fait... J'étais une grosse ballonne dégonflée. We love it. Ouais, fait que ça a été une amère déception. Et ouais. vous le constatez aujourd'hui, mon amertume ne m'a pas quitté. Yes! Elle vit toujours en elle. Mais... D'eau de peau et d'amertume. Oui, c'est vrai. Puis tu sais, en plus... J'ai rapidement constaté que je n'aurais pas droit à l'âge d'or de ma période twink. Mm. Moi, j'ai toujours eu l'air plus vieux que mon âge et j'ai pas une face très babyface. Ouais. Fait que moi, j'ai pas eu ce petit moment-là de je fit vraiment dans une catégorie. Parce qu'en plus, as of today, je ne fit encore pas dans les grandes catégories gay, le bear, other, whatever. Ouais, ouais. Genre, je fit pas la réserve. Fait qu'à chaque fois, je suis dedans un peu mélangé. Toi, par contre... Moi, pour avoir vu des photos et t'avoir connu au cégep, t'as eu ta phase « Je suis un twink aux cheveux bouclés ». Listen, tu connais le show « I didn't know I was pregnant » ». Moi, c'était « I didn't know I was a twink ». En fait, ils t'ont pas mis au courant. Non, t'as comme passé à côté. Je pensais pas, mais c'est juste que, tu sais, moi, je me suis toujours vu avec plus de barbe que les gars de mon âge, plus de poils que les gars de mon âge. Ouais. Fait que, tu sais, même si j'avais des épaules étroites puis que j'étais comme un peu plus skinny, tu sais, moi, j'ai toujours eu comme du petit bedon. Fait que, tu sais, je me suis jamais pensé comme twink. Puis là, maintenant, ben, je regarde des photos puis je suis comme, c'est ça qui se passe. Là. Oui, shit. J'aurais dû en profiter. Ben, j'aurais dû en profiter. En même temps, t'en profites en crise en ce moment aussi. Là, listen, ça va, là. Moi, je suis quand même pas contre le fait que I'm getting daddier and daddier. Là, ben, tu sais. Là, moi, c'est ça. Oui. Là, j'ai enfin l'air de l'âge que je devrais avoir. Yes, bitch. Toutefois, c'est un peu. En tout cas, c'est un peu triste ce que je veux dire là, mais là, j'ai repris du poids grâce à la quarantaine. Puis là, je revois mon corps changer. Puis tu sais, à chaque fois que mon corps vit un grand changement, et apparemment, mon corps décide de faire ça une fois tous les 2-3 ans. Oui, c'est ça, là. C'est sûr que ça me replonge beaucoup là-dedans. Puis là, je suis rendu à 32 ans. Puis là, je repasse à travers d'une de ces phases-là. Puis je suis comme... Je suis sur le bord de give up en esti pis de rentrer chez les sœurs, là, parce que là... Ça rien, c'est belle avec une corniche. Ah, sacrément. Mais moi, c'est weird parce que mon contact avec le monde gay, ça m'a donné un peu plus envie de jouer avec les codes, t'sais. Ça m'a donné un peu plus envie de m'afficher puis de ouais. give signals que je suis gay. T'sais, puis dans le temps, dans les années 2010, là, c'était genre des gens plus serrés, des couleurs vives, t'sais, des V-neck American Apparel. Oui, je sais, c'est tout moi qui ai ce linge-là à cette heure. C'est ça. Pour les gens qui savent pas, tout mon linge vient des poches de linge à Charlie. Mais oui, c'est ça. Mais c'est ça, j'ai compris que je pouvais pas trop non plus, parce que la répression venait subtilement des milieux externes à quand j'étais pas avec mes amis gays, parce que j'étais trop jeune pour avoir des milieux supportive, puis les gens pouvaient échanger, puis des commentaires. Fait que ça m'a aussi appris à haïr puis juger ceux qui se permettaient de le faire, parce que je pouvais pas. Oui. Ce qui est terrible quand même. Ouais, mais ben bon. Non, mais ça, c'est juste réflexe compréhensible, c'est oui, ça. Oui, puis quand t'as 15 ans, c'est ça que tu fais aussi, parce que je veux dire, t'as pas la clarté d'avoir du recul là-dessus, puis tu essaies juste de survivre sans te faire bully. Oui. Genre, ça va, là. Mais c'est ça, triste histoire. Moi, ce que je trouve le plus triste là-dedans, c'est que dès que j'ai fait mon coming out, j'ai aussi découvert cette arme redoutable que j'ai, qui est mon sens de la répartie. Yes, bitch. Et je m'en vais encore aujourd'hui parce que comme she will cut you, Virgo season is over, ça revient l'an prochain, on est correct pour un petit bout, les filles. Oui, oui, non, mais il y a encore des saisons de signes de terre, par exemple, ça, faites attention. Oui, mais quand même, Virgo, c'est vraiment comme peak season, tassez-vous de là. Oui, le Charlie a poussé un super de soulagement depuis que c'est fini. Ah, si, je suis content que ce soit derrière. Toutes nos relations sont soudainement beaucoup moins tendues, ça va bien mieux. Oh. Mais comme, tu sais, puis je m'en veux parce que justement, je pense qu'avoir tellement vécu de grossophobie puis de jugement par rapport à mon corps, la première chose que mon premier sujet de bitcherie, c'était bitcher le corps des autres. Mm. Genre, on dirait que j'ai comme intégré ça puis je l'ai ressorti. Ben oui. Puis genre, puis j'étais comme, my God, c'est vraiment une. C'est là que tu te rends compte que c'est vraiment un cercle vicieux parce que tu l'intègres tellement, ça là. Ta vision de toi-même et la vision des autres et qu'est-ce que tu devrais avoir l'air. Puis. Ouais. Tu le sais que ça va toujours marcher. On a tous des enjeux par rapport à notre corps. Même si on est super musclé puis cute puis tout, genre, je suis convaincu que ces gens-là ont quand même des questionnements puis qu'ils se sentent pas bien pareil. Moi, c'est quand même quelque chose qui me rassure dans la vie, tu sais, parce que je veux dire, moi, je suis satisfait de ma cage de chair, mais tu sais, je suis conscient aussi que je suis pas. Tu sais, comme je coche pas toutes les cases pour fitter dans beauté mainstream, puis genre, I love my belly, puis je dis pas non à un biscuit. Mais genre, même les gens qui. Se prive au max. C'est mon prochain tatou. Attention, c'est mon prochain tatou. I love my belly, je dis pas non à un biscuit. Listen, c'est mon mantra. Mais tu sais, il y a du monde qui se prive au max pour atteindre un esti de corps pas d'allure, inatteignable, que genre, ils travaillent tellement fort, puis ils saillissent pareil. Je suis comme, listen, moi, j'ai mangé mes biscuits. Là. Hey, Chris, hostie. Hey, attends, là, c'est quoi déjà le... Ça fait 2 ans que tout ce que tu bouffes, c'est des hosties de shake, puis tu te sens encore mal. Là. Non, c'est ça. C'est quoi des biscuits, là? Voyons, c'est du chocolat avec un petit biscuit au beurre en dessous. Là. C'est les des lus. Des célébrations. Aussi. Ben là, ils en ont sorti un avec de la petite crème d'amande dedans. Je sais, j'ai vu ça, j'ai passé à toi. Tabarnak que c'est bon. Oui. Moi, je prends ça avec la cerise au centre. Ouais, il y a framboise caramel. Caramel, calice, que c'est tabarnak, pas capable. Excusez, j'ai une réaction au caramel, mais c'est la chose la plus horrible sur Terre. Ça, pas capable. Je m'attendais pas à ce que le caramel soit si... Oui, je t'en mets dans ma bouche, puis genre, j'ai un gag reflex. Moi, j'aime ça. Oui, en tout cas, ça va être un sujet pour un prochain épisode. Yes! Moi, ce que je trouve vraiment poche, c'est que tu arrives dans la communauté gay en te demandant un peu est-ce que les standards de beauté vont être différents? Mais techniquement, oui. Est-ce que c'est pas pareil? Puis là, ben, tu te ramasses sur l'Instagram de Fugue Magazine. Oh, girl. Mais les pauvres, pour vrai. Non, mais moi, pour vrai, je prie pour avec eux autres. Avec le beau mec du jour. Mais je prie pour eux autres parce que c'est sûr que toute la team qui gère leur compte Instagram, qui gère le magazine, puis tu peux pas croire qu'ils ont toutes des... Ils ont toutes des abs que je pourrais faire ma dessus. Ah non, dessus, je pense pas. Je suis comme, stop hating yourself. Là. Vous voulez pas montrer du vrai monde. Là. Puis c'est tout le temps genre, on s'en calisse. C'est tout le temps comme this whatever DJ fuckboy de Barcelone qui joue une photo de circuit de pour marde, un genre. Designer de bobette. Ah, we don't care. Là. C'est basic as fuck. Là. Je vais montrer du vrai monde. Là. Oui. Anyways. Sinon, vous pouvez regarder la couverture de Fugue des 40 dernières années. Yes. Et répondre encore à la question. Est-ce que les standards de beauté de Miyuki sont différents? Toutefois. On a des espaces où la différence est vraiment plus acceptée. Là. Qu'on parle du milieu bear, par exemple. Mais OK, ce qui est cool avec les bears, c'est que c'est vraiment comme un fuck you au standard de beauté. Puis c'est comme big boys being like, we like big boys. Puis c'est nice. Ouais. Ceci étant dit, puis on en a un peu parlé dans l'épisode où on parlait justement des niches gays. Oui, mais c'est vrai. Quand tu tombes dans aucune niche, c'est compliqué. Oui. Puis mettons, les bears, c'est beaucoup compris en termes de blancheur, avec du poil, tu sais, puis... Quand même, hein? Fait que, tu sais, le moindre moment que t'es plus foncé puis que t'as pas de poil, mais que t'es gros, là, tu rentres plus dans cette niche-là, puis ça peut plus être quelque chose qui fonctionne pour toi. Fait que, tu sais, c'est compliqué aussi. Le truc, c'est que c'est vrai que c'est des espaces de liberté vraiment cool, mais... Qui reste codifié. ça reste codifié, puis ça reste rigide, puis aussi, on là, le bear... Sûr, quand ça reste rigide, on n'a pas vraiment de problème avec ça. Non, mais tu sais, je trouve qu'avec aussi le truc de genre thick boys are celebrated, mais tu sais, thick, genre de vraiment fit, puis peut-être un peu gras, mais tu sais, aux bonnes places. Ouais, là, t'as quand même une espèce de récupération de la culture bear, là, ça devient plus acceptable, mais là, il y a une certaine acceptabilité bear, puis c'est plus dans le comme... C'est vrai. Very big man, puis genre, fuck les standards de beauté. C'est vrai. En tout cas... Il y a des nuances à amener à ça, mais en même temps, c'est vrai que c'est cool de repenser les standards puis d'avoir ces espaces de liberté-là comme gars, tu sais. Mais tu sais, comme Bear, ça souvent... Parce que je veux dire, la communauté queer est underground. Bear, c'était comme un underground de la communauté underground, on va dire. Là, maintenant que, Dieu merci, dans au moins certaines parties d'Amérique du Nord, on est un peu plus célébré qu'avant puis notre vie est un petit peu plus belle qu'avant, ben je pense que, then again, il y a probablement une caste homosexuelle qui a investi ce milieu-là, qui est plus vraiment underground et qui a beaucoup dilué. Mmh. Ouais, ouais. Ce qui nous amène à ce dont tu viens de nous parler, là, que whoop, finalement, là, il y a des codifications qui s'installent, puis c'est le bon gras, bonne place. Puis... quand je dis que la beauté situationnelle aussi, tu sais, comme moi qui fit plus dans un standard bear que jock, là. Ouais. Tu sais, mettons, il y a des villes où ça va vraiment bien parce qu'il y a des grosses scènes bear puis que c'est plus visible. Mais il y en a d'autres où, tu sais, Paris, où tout le monde est fait sur un frame de chat, là, moi, je pogne pas, là. Ah ouais? Ouais, non, moi, à Paris, je suis pas hot, là. Ouais, c'est vrai que ça dépend aussi de l'endroit où est-ce que t'es. Ouais. Puis, tu sais, je suis pas hot, je veux dire, I get laid anyways parce que I'm a hoe, puis genre, si tu veux, tu peux, là. Mais, tu sais, je veux dire, généralement... je sais pas, tu sais, tandis que je vais à Berlin, il n'y a pas de problème, là. Genre, ah ouais, comme, okay. Y a des affaires de même où comme c'est weird, tu sais. Ça dépend des endroits. Ouais, il y a des villes, les villes plus preppy, ça le fait moins pour moi. Make sense. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais quels standards de beauté tu trouves les plus durs à porter, toi, les standards straight ou les standards gays? Ben, étant donné qu'ils se ressemblent un peu, je dirais les deux. Mais c'est vrai que, je veux dire, moi être au gym, je suis tout le temps comme, étais-tu sur Grindr? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un regular douchebag ou un gay douchebag? C'est ça. Bon, je riais de Fug Magazine, mais c'est vrai partout là, qu'on se fait montrer là, genre, des pages de memes comme Bulge2Go ou Blocked on Grindr font la promotion de ce type de corps-là à journée longue, comme d'habitude. Fait que, tu sais, je me dis, ils sont très semblables. Toutefois, je trouve ça plus dur à accepter dans la communauté gay parce que, then again, on est supposé d'avoir un éveil minimal sur c'est quoi les oppressions, l'exclusion, genre, puis profiter dans les normes. Puis je suis tout le temps, puis souvent, les standards de beauté gay qui ressemblent aux standards straight, c'est de l'homophobie intériorisée, littéralement. Là. Ouais, puis aussi, c'est super plus sévère dans les standards gay. Mais, tu sais, il y a un truc aussi où, genre, oui, c'est vrai que c'est plus sévère, puis la pression est plus intense, mais il y a plus d'espace de liberté quand même. Oui. Tu peux te féminiser dans un party, puis genre, OK, on s'entend jusqu'à une certaine limite parce que, à un moment donné, si tu te féminises trop, là, t'es rendu de l'entertainment puis t'es plus sexualisé. Là. Ou, then again, le beau dude musclé pis tout qui arrive en talon haut avec du nail polish va se faire praise 1 million de fois plus que moi qui arrive avec mes talons qui risquent d'être au moins 4 pouces plus haut que les siens. Ooh, she said it! Anyway, bon, tout est pas dans la grosse salle, mais il y a juste un truc où, genre, c'est vrai qu'on est plus soft avec les gars straight parce que, bon, tu sais, ils sont pas trop à manger, ils ont une petite bedaine, ils s'entraînent pas, mais on les trouve cute pareil, tu sais. Mais il y a quand même un truc où, genre, ces gars-là sont. Tu sais, puis je sais pas à quel point ils sont. Ils voient ou à quel point c'est lourd à porter ou c'est si intense que ça, comment que la masculinité est rigide pour les gars straight, mais tu sais, il y a tellement d'affaires qu'ils peuvent pas faire. Si, là, moi, maintenant, je capoterais tout en moi, la masculinité. Là. Mais apparemment que, justement, là, le patriarcat étant ce qu'il est et le désir d'avoir un corps de statut grec étant ce qu'il est, moi, je lisais beaucoup d'études qui disaient qu'effectivement, les gars straight, ils en arrachent. Genre, pis il en parle pas parce qu'on est dans une société patriarcale où parler de ses émotions quand t'es un homme, ça se fait pas, pis t'es supposé de juste don't care about that. Parce que c'est ça l'hypocrisie du système patriarcal, on te montre des gars musclés, mais en même temps, si tu cares trop à propos de ton apparence, t'es probablement une tapette. Ouais. Ou un métrosexuel, c'est une expression de mal. Ah, moi, métrosexuel, listen, I love transit. Genre, la ligne rose, on va l'avoir, là. La ligne rose en plus. Ben oui! Ah. Mais non, mais moi je trouve ça drôle, métrosexuel. Genre, la fois où on a décidé de distinguer les hommes straight qui se lavent de ceux qui se lavent pas. Oui, c'est ça, exactement. Trop bon, là. My God. Alors, sur ce. Oui. Sur ce zénith de la masculinité. Ouh! Nous, on va aller chercher un petit café qui va nous faire sentir tout drôle en dedans, comme des closeted baby dykes devant. Hey, là, c'est c'est une référence deep. Là, c'est le bout où j'essaye de lire la joke. Puis comme j'aurais dû la lire avant. De la... fait que, Charlie, dis-la donc, tiens. On s'en va chercher un café qui va nous faire nous sentir tout drôle en dedans, comme des Closeted Baby Dyke devant un clip de Michelle Branch en 2005. Et on vous revient overcaféiné. Ah, j'aurais pris... comment elle s'appelait? Samantha Fox. Ben non, Samantha Fox, c'est pas une conne lesbienne. Ben oui! Pas vrai? Ben oui. J'ai-tu manqué un bout? Ben oui. Hein? Ben, she's lesbienne. Oh my God. Elle est... Hein? Non? Ça, c'est à vérifier. C'est à vérifier. Someone fact-check this. On va prendre un café, puis je vous sors le fact-check. Ça crame. Je peux pas avoir appris en onde que Samantha Fox est lesbienne, si elle est lesbienne, est-ce que... J'espère quasiment qu'elle est hétéro, parce que je trouve ça pas d'allure. En onde, je... Pour une fois que c'est moi qui fais revoke ma gay card. Hein? Ben là, faut vérifier. Ok, parfait. Alors, le café était aussi revigorant qu'un éveil sexuel lesbien, et on est de retour au vercaféiné. Toutefois, je vous informe que j'avais raison. Hey, tabarnak, Samantha Fox est lesbienne. Ça peut-tu être ma troisième mère? Ça peut être ta troisième mère. Je l'appelle à l'instant. Je capote, je suis tellement content. Touche-moi. Je veux sentir ton corps. Non, mais même pour vrai, là, parce que là, on a googlé ça rapido, là, mais les soupçons ont commencé en 99 quand on a jugé un pageant lesbien. Oh. Puis moi, je suis juste comme, attends, un pageant lesbien, comment ça qu'on n'est pas invité là? Un pageant lesbien, c'était quoi, un genre Miss Cunivers? Ah! Oh my God! I wish, mais moi, je suis juste comme, invitez-moi au pageant lesbien, Calis, là, pourquoi je suis pas là, moi? Tu veux juge ou participante? Ben, je veux juge. Okay. Mais c'est juste que je veux dire, j'ai été élevé par les lesbiennes. Là. J'ai un statut honorifique de genre, je peux être là. Je pense que t'as t'étais comme naturalisé lesbien. Ouais, t'as ta citoyenneté de par défaut. Oui, c'est ça. Par défaut. Alors, là, on est de retour au vercaféiné pour parler. Tu sais, des fois, on peut souvent se sentir un peu trapped dans nos désirs, je pense. Oui. Et ces désirs-là sont construits par notre société de merde, on le sait. Est-ce que. Comment. Pourquoi? Comment qu'on reprendrait le contrôle sur la situation, là, notre désir? Là? Là, ce qui est le fun, c'est qu'on l'a un peu couvert dans l'épisode sur les nudes, mais la qualité est tellement de merde que vous l'avez sûrement pas écouté. Donc là, on va récupérer du contenu. Ouais. On a eu des petits problèmes pour l'enregistrement live. Petit problème comme étant, on l'a pas enregistré. On salue William, directeur de choc. On l'aime, là, il est fin. Mais c'est sûr qu'on vit dans un monde où on a le choix de ce qu'on consomme. On n'est plus passif devant une télé qui choisit ce qui est diffusé. Effectivement. Avec les médias sociaux, tu choisis qui tu follows. Je pense que pendant Black Lives Matter cet été, les gens ont compris que leur feed ne pouvait pas être blanc au complet. Effectivement. Oui, c'est vrai. La plupart, si vous ne l'avez pas encore compris, sweet reminder. C'est là. C'est ça. Fait que, je pense qu'en termes de diversité, de skin tone, vous ne devriez pas juste voir des blancs. Tu sais, c'est pas juste follow d'autres mondes. C'est aussi unfollow certaines personnes. Ah, ça, oui, là. À un moment donné, là, quand tu worship 20 tapettes blanches de Montréal que t'as jamais vu de ta vie juste parce qu'ils sont cute, là, sur Instagram, là, à un moment donné, peut-être qu'ils pourraient te poser des questions sur c'est quoi le contenu que tu consommes. Mais moi, I draw the line à genre, si un compte te fait pas filer bien à propos de toi-même, t'as pas besoin. Genre? T'as pas besoin de te faire de ça, tu sais. Puis je veux dire, tu peux bien, là, en follow du basic people, tu sais. C'est juste que balance aussi avec du basic people, avec... Ouais. Différents corps, plus gros, avec différents skin tones, avec différentes orientations sexuelles, différentes expressions de genre. Tu sais, juste comme, c'est ça. Pour te faire du bien. Puis tu sais, comme, il y a aussi, ça c'est, en tout cas, je le vois beaucoup dans les milieux queer, là. Il y a un gros discours dans le milieu queer que tout le monde est beau, tout le monde est belle. Blablabla. Mais quand tu regardes qui couche avec qui se ramasse avec qui, oh, hein, tout le monde est beau, tout le monde est belle, mais... Hein. Mais on a quand même encore des top of the shelves, second shelf, third shelf. C'est ça. Fait que... T'as du monde qui sont dans l'entrepôt, c'est ça. Voilà. Puis moi là, un des trucs que je donne pour un peu décoloniser son désir, c'est que souvent sur les sites de porn, on tape des types de personnes. Mm. C'est très commun, les gens ont certains types et c'est... Jusqu'à un certain point, c'est correct. Tapez plutôt des actions. Ben, puis regardez d'autres mondes dans un enregistrement qui a disparu parce que ça n'a pas marché. C'était celui qu'on a enregistré la semaine passée. Ah oui! C'est pas dans le live, ça, c'est non. Vrai. On a fait une take, mais c'est pas grave, on a été un qu'une deux. C'est beau. Puis non, c'est ça. On a enregistré cet épisode-là la semaine passée, puis j'ai pas enregistré Charlie. Intentionnellement, on sait pas. Ah! Mais ouais, non, c'est ça. Moi, c'est vraiment quelque chose que je prodigue comme conseil. C'est ça. Mettons, toi, c'est le nipple play dans la vie, ton affaire. Ben, tape nipple play à la place de taper chubby, bellamy, twink. Moi, je me dis aussi, dans la manière dont on parle des gens aussi, je trouve que des fois, il y a des manières de... Tu sais, comme les gens beaux, de toujours dire qu'ils sont beaux, ou de tout le temps comme améliorer ça, ou de, tu sais, comme... je sais pas, là, on a, mettons des trucs tout cons, genre, ah, oh, il est grand, tu sais. Ouais. D'être super, dans le superlatif de quand, ah, c'est donc le fun. Puis, tu sais, je comprends que c'est casual, puis qu'à un moment donné, il faut pas qu'on puisse plus parler de comment qu'on trouve les gens beaux. Mais... Non, mais des fois aussi, c'est de regarder le niveau d'intensité. Tu sais, combien de fois, mettons, tu vas parler de tel gars qu'on connaît tous, puis qu'on sait qu'il est trop hot, puis là, la personne à côté de toi va faire, oh my god, il est tellement hot. Puis là, les, vraiment, là, ouais. C'est pas juste genre, ah oui, c'est vrai qu'il est cute. Non, non, le monde, là, ce. Puis t'as pas ça pour quelqu'un qui est juste ordinary cute. Ouais, puis tu sais, c'est juste de comme, je sais pas, là, des fois, share ce que tu penses de telle partie anatomique d'une personne. Genre, tu sais, je suis juste comme, oh. Ah ouais, comme quoi? Ben, je sais pas, tu sais, genre, il est tellement musclé. Genre, tu sais, juste comme, ben oui, il est musclé, on le sait tout, on a des yeux pour voir, tu sais, je sais pas, là. Je trouve que des fois, de le dire, puis de que ça devienne juste. Plus out there parce qu'on l'a dit, puis là on comprend tout qu'on ouais. Aurait thirst parce que je suis comme, ben tu sais aussi, des fois c'est correct aussi, read a room, puis genre moi je suis correct avec, avec ma bedaine, fait que t'as beau me parler de son six pack, genre I don't give a shit, girl. Mais tu sais, je pense qu'il y a un truc aussi de les gens qui font des commentaires out loud sur des affaires ouais. Même, c'est parce que c'est important pour eux aussi, tu sais. Yeah, mais tu sais, comme, tu sais, on vient parler de consommation de contenu, mais moi j'irais jusqu'à pousser à worshipping, là. Des fois, là, ça va jusque-là, là. Je... Tu sais, je viens de parler de l'enthousiasme avec lequel les gens, des fois, vont s'exclamer sur quelqu'un qui est genre, vraiment standard hot, là, puis genre acteur hollywoodien, whatsoever, ou actrice. C'est du word. Tu sais, genre, ils vont se mettre ça en fond d'écran, genre, ou genre, à un moment donné, là, pose-toi la question, est-ce que t'es comme. Est-ce que tu le trouves cute, genre, parce qu'on est tous réglés sur ce même genre de réflexe-là, puis on le trouve cute, genre, ou est-ce que t'es carrément en train de faire l'apologie de l'inaccessible, le corps? Ouais. Puis moi, je trouve que c'est beaucoup ça, là. Des fois, les gens sont oh my god, il est hot! Je suis comme. Tu parles même pas de même de ton chum. Je comme, on a-tu vraiment besoin? Genre, puis des fois, on peut juste comme aussi ne pas le mentionner. Quand c'est quelqu'un là, que tout le monde a compris, il est hot, c'est beau, là, à un moment donné, on peut arrêter de le répéter. Des fois, je trouve que c'est de la fixation. Non, je sais. Puis des fois, je trouve, en tout cas, là, tu sais, je sais pas, là, mettons quand Milk était sur Drag Race, là, puis tout le monde était comme, ouais. Milk est donc chaud, j'étais comme, tu sais, pour vrai, ok, là, il est à rien, puis il fait 6 pieds 3, là, genre, revenez en calice, là, tu sais, je veux dire, il y en a plein qui sont smoking hot, mais qui, genre, ça va jamais être nommé parce que, genre, c'est des personnes de couleur, puis que, oh, ben, tu sais, je veux dire, il y en a plein. Ah, ça, c'est clair, genre, oh, oui. Puis aussi, qui vont rester moins longtemps, je sais pas, mais tu sais, je sais pas, le Kahana Montrese ou genre Rock'em Sakura, genre fucking hot. Yeah. C'est juste que, tu sais, ça va être moins nommé que Milk, qui est comme The Hottie, parce que genre. Ah ouais, c'est Milk, c'est Cameron Michaels, c'est. Oh, ou les petits twins blancs, genre Aquaria. Tu sais, ça. T'sais, ah, ça, le monde trip, là. Aquaria, un gars, c'est un beau cute twin, là. Fait que là, le monde capote. Ouais. Puis genre, elle a un following de feu, aussi, puis. Moi, je suis comme. Ouais, oh, Chris, oui. Chris, oui. C'est une excellente drag queen. En tout cas, on n'est pas à cracher ton thé. Oui, oui, c'est ça. On n'est pas à cracher ton thé. C'est l'âge Drag Race. Elle est finie. On va arrêter de vivre dans le passé. Là. Sacrement. Mais je pense aussi qu'il faut être honnête avec nous-mêmes puis reconnaître les raisons qui motivent nos actions quand il y a question d'attraction. Oui. Je trouve que des fois, on va trop donner des passes droits ou être gentil ou être conciliant ou être avenant avec des gens qui sont beaux, puis on donne pas ce privilège-là à des gens qu'on trouve moins beaux. Yeah. Puis je suis comme, mais tu sais, pourquoi... C'est compliqué aussi de s'observer là-dedans, tu sais. Puis je veux dire, en moment donné, c'est parce que je trouve que ce qu'on demande beaucoup en disant comment qu'on change les choses, c'est beaucoup de rationaliser, puis tu sais, puis il y a pas un truc de comme, laissez-vous... Je veux dire, laissez-vous aller à vos passions, là. Oui. Mais il y a aussi... Empêchez-vous pas de vivre non plus, mais... Non, mais en même temps, tu sais, moi, il y a un truc où, genre, tu sais, tu le vois aussi, les gangs de tapettes qui se ressemblent toutes ou qui fitent tout le standard, qui sont amis. Je suis comme, ben, c'est quoi, là, il y en aura pas de toutoune dans votre groupe d'amis? Il mm-hmm. y en aura pas de, tu sais, je veux dire, il y a aussi un truc où, comme, ben, qu'est-ce qui te motive dans qui tu gardes proche de toi oui. si tout le monde est... Parce que je veux dire, moi, mes amis, je les trouve toutes beaux, tu sais. Oui. C'est juste que si je les regarde, c'est vrai que, genre, ils ont des corps différents, ils sont hot de manière différente, oui. tu sais. Mais c'est vrai qu'il y en a que non là. Je veux dire, on les a toutes vues là, les photos en speedo sur la plage de 8 fois le même gars regardé, oui. oui oui oui ou la calisse de photos là, je suis devant mon miroir assis les jambes écartées avec mon téléphone dans le milieu de la photo là, genre, ta préférée oh, tabarnak de calisse. Moi, si je vois puis tu sais le plus drôle c'est que non seulement c'est la pose classique je suis en bobette et je vous montre mon bulge mais c'est que ces gens-là font 40 fois la même photo et vont guetter un autre 500 likes à chaque fois, là. Mm. Moi, j'en reviens pas. Et tu sais, il y a où le bouton unfollow, là, Jess? Oui, mais j'aime ça savoir combien ils ont de followers, ces gens-là, puis faire comme « Why? » Ton content est so fucking boring. Ouais, mais je pense que... Mais c'est ça. Moi aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens avec du boring content qui ont un gros following, mais je pense que ça vient aussi de... Tu sais, je veux dire, de toute manière, les gens vont aller vers du contenu rassurant, puis déjà vu anyways, moi y compris. Ouais. C'est juste que là, avec Instagram, t'as accès à ça de... Chose bin qui est genre médecin ou ingénieur living the life cares? Avec un body musclé et tout. C'est juste que tu as une expérience plus authentique puis personnalisée parce que c'est lui qui est en gros de ses médias puis qui pose, puis que tu sais. C'est juste que, effectivement, c'est plate. C'est juste que, il y a comme, je pense que la notion d'authenticité rend ça plus attrayant pour les gens parce que c'est vraiment cette personne-là qui te révèle ça de sa vie, même si c'est. Même si ça lui a carrément pris 2 heures à prendre son petite photo le temps qu'il lave son miroir, qu'il trouve sa paire de bobettes propre, puis c'est stage. Je veux dire, c'est pas vrai qu'il a fait ça au tournant d'une activité. Il a dit « Ah, je vais m'asseoir là, prendre une photo en face de mon miroir. » J'aime ça qu'il trouve sa paire de bobettes propre, parce que Jess, toutes ses bobettes sont de temps en temps, il y en a tout le temps une de propre cachée quelque part. Ah oui, oui. En cours en arrière, là, je la déterre une fois de temps en temps. Là. Ça, c'est la bonne paire de bobettes. C'est des chanceuses, celles-là. J'attends que ça pousse! Je veux un bobette proprié. Un quoi? Un bobette proprié. Un arbre dans lequel les bobettes propres poussent. Oh, c'est toutes les miennes sont trouvées. Si jamais, en tout cas, on n'a pas de... Trouver où, ça peut être pratique. Oh, ben en tout cas, on n'a pas de Patreon. Fait que si jamais vous avez envie de me faire une commande de 3-4 bobettes chez Simons, là, vous pouvez m'envoyer ça chez nous, je serais bien content. Parfait. Est-ce que tu veux faire la même erreur que j'ai faite dans la saison 1 et donner ton adresse à tout le monde? Non, merci. J'irais plus chercher un dernier café aussi sweet. Que notre crush d'adolescence sur Marco dans Degrassi, puis on vous revient plus caféiné que jamais. C'est lui qui finit en chaise roulante? Non, ça c'est Drake. Non, ça c'est Drake, ouais, voyons. C'est vrai. C'est ça. Ça fait longtemps que j'ai pas été jeune. Donc, c'était tout pour notre émission de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Et les Moons, avant de vous garrocher pour nous suivre sur tous les réseaux sociaux qui ont de l'allure, on voulait juste vous dire que nous, on va prendre un petit break de mi-saison. Parce que là, pandémie, zone rouge, tout va mal. Puis il faut aussi se réorganiser en fonction de ce qu'on fait avec quels invités, comment on enregistre notre matériel puis tout. Ouais. Beaucoup de défis techniques à l'avenir, alors on vous amendera pas trop avec ça, mais nous, on va faire notre job de notre bord pour essayer de revenir en force malgré la pandémie pour continuer de vous dire des mooneries le plus possible parce qu'on en a de besoin. On en a de besoin. Hostie comme notre besoin, pandémoon de marde. C'est ça, ça va bien aller. Parlant de divertissement, on est quand même pas pire sur les réseaux sociaux. Vous pouvez donc nous suivre à 2 FIF le matin, le chiffre 2. FIF avec un X à la place du I parce qu'on veut pas se faire chadant par la police des mers. 2 FIF le matin en un mot. Mettez-nous des étoiles, partagez. Alors, prenez soin de vous, les Moons! Love you, les Moons! Bye!